est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Un soleil, une lumière que, faute de mieux, je ne peux appeler que jaune. Jaune soufre pâle, citron pâle or. Que c'est beau, le jaune. Van Gogh, 1888. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Puisque les gilets jaunes viennent de prendre dans notre vie nationale l'importance que nous savons, il était inévitable, il était indispensable que notre émission se saisit de cette couleur. J'ai donc convié pour en parler Michel Pastoureau, évidemment lui, dont on sait qu'il a pris la figure auprès d'une vaste audience d'un prince du chromatisme. J'ai souvent convoqué ici sa vaste culture et son didactisme chatoyant, et je me réjouis de pouvoir converser avec lui ce matin, en direct et en public, depuis nos précieux rendez-vous de l'histoire de Blois, où il avait prononcé l'an dernier la conférence inaugurale. Après avoir étudié et célébré successivement le bleu, le noir, le vert et le rouge, Michel Pastoureau s'arrête dans un bel ouvrage qui paraît ces jours-ci sur la couleur qui est peut-être, celle du soleil et qui, en tout cas, est celle de l'or, du safran, de la blondeur, du biel, du miel et des blés mûrs. Comme il advient toujours, la profondeur du temps passé confère du relief aux impressions trop rapides d'aujourd'hui. Parce que, s'il faut bien admettre que la couleur jaune est actuellement mal aimée, comme en témoignent tous les sondages, les exceptions à ce discrédit sont nombreuses. Des exceptions qui peuvent trouver leur origine loin en arrière, dans l'Antiquité, où le jaune apparaissait souvent comme bénéfique et flatteur, avec le brio d'un éclat particulier. Plus tard, au Moyen-Âge, le sort a paru hésiter, et nous allons tâcher de le comprendre, quant à la portée symbolique de cette couleur. En attendant qu'elle plonge, il faut bien le dire, en dépit des efforts des peintres, dans un assez triste purgatoire. Voilà bien qui mérite d'être expliqué, avant qu'on en revienne à l'époque moderne et contemporaine, celle-ci étant elle-même plus complexe à l'égard du jaune, en réalité, que ne le donnerait à croire un regard superficiel, un regard qui, je n'ai pas besoin de le dire, n'est assurément pas le nôtre. Et en ouverture, pour commencer, je vous propose un texte très fameux de Marcel Proust, La mort de l'écrivain Bergotte, devant la vue de Delft de Vermeer et devant un certain pan de mur jaune. Une crise d'urémie assez légère était cause qu'on lui avait prescrit le repos. Mais un critique ayant écrit que dans la vue de Delft de Vermeer, prêtée par le musée de La Haye pour une exposition hollandaise, tableau qu'il adorait et croyait connaître très bien, un petit pan de mur jaune, qu'il ne se rappelait pas, était si bien peint qu'il était, si on le regardait seul, comme une précieuse œuvre d'art chinoise d'une beauté qui se suffirait à elle-même, Bergotte mangea quelques pommes de terre, sortit et entra à l'exposition. Dès les premières marches qu'il eut à gravir, il fut pris d'étourdissement. Il passa devant plusieurs tableaux et eut l'impression de la sécheresse et de l'inutilité d'un art si factice et qui ne valait pas les courants d'air et de soleil d'un palazzo de Venise ou d'une simple maison au bord de la mer. Enfin, il fut devant le Vermeer qu'il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu'il connaissait, mais où, grâce à l'article du critique, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentaient. Il attachait son regard, comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir, au précieux petit pan de mur. C'est ainsi que j'aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs. Il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune. Cependant, la gravité de ses étourdissements ne lui échappait pas. Dans une céleste balance, lui apparaissait, chargeant l'un des plateaux, sa propre vie, tandis que l'autre contenait le petit pan de mur si bien peint en jaune. Il sentait qu'il avait imprudemment donné le premier pour le second. « Je ne voudrais pourtant pas, se dit-il, être pour les journaux du soir le fait divers de cette exposition. » Il se répétait « petit pan de mur jaune avec un auvent, petit pan de mur jaune ». Cependant, il s'abattit sur un canapé circulaire. Aussi, brusquement, il cessa de penser que sa vie était en jeu et, revenant à l'optimisme, se dit « c'est une simple indigestion que m'ont donné ces pommes de terre pas assez cuites ». Ce n'est rien. Un nouveau coup l'abattit. Il roula du canapé par terre où accoururent tous les visiteurs et gardiens. Il était mort. Il était mort. Il était mort. C'est un extrait, vous l'avez reconnu, de La recherche du temps perdu, le tome La prisonnière, qui était lu ici par le grand Jean Topard sur France 3 National le 31 mai 1961. Michel Pastoureau, bonjour. Bonjour. Première révélation, ce n'est pas un pan de mur jaune. Non, c'est un petit morceau de toiture qui aujourd'hui apparaît rose, ce qu'à l'époque de Proust, c'était déjà un jaune rosé ou quelque chose comme ça. Il faut souligner d'ailleurs que jusqu'au XVIIIe siècle, ce que nous appelons rose, c'est une coloration qui est rangée dans la gamme des jaunes et pas dans les rouges. Nous voilà déjà dans un monde troublé. Oui, nos classifications d'aujourd'hui n'étaient pas les classifications d'autrefois. Comment réagissez-vous à cet étrange rapprochement entre les pommes de terre pas cuites et un chef-d'œuvre universel ? Oui, le contraste est considérable. Vermeer est un des plus grands peintres de tous les temps, sinon le plus grand. Et puis une histoire de pommes de terre pas cuites et un petit morceau de mur jaune qui provoque la mort. Le jaune n'a jamais été complètement mortifère, mais il a quand même été, au fil de l'histoire, tantôt très bénéfique, tantôt très négatif, péjoratif, et chez Proust, donc il entraîne la mort. Vous parlez de l'histoire, vous permettez que je vous entraîne un instant jusqu'à la préhistoire? Qu'est-ce qu'on peut savoir des relations entre nos ancêtres velus, ou plus ou moins velus, et le jaune? Évidemment, on ne sait pas grand-chose. Les hommes et les femmes du Paléolithique, quelle relation entretenaient-ils avec la couleur jaune? Ce que l'on peut souligner quand même, c'est que en peinture, le jaune est un des plus anciens pigments fabriqués par l'être humain, avec le rouge et avec le noir. Quand on regarde la palette des grottes du Paléolithique, on voit que cette palette est restreinte. Pas de bleu, pas de vert, très peu de blanc. Des rouges, des noirs et un peu de jaune qui sont à base d'ocre, c'est-à-dire de terre argileuse riche en hydroxyde de fer. Un pigment donc assez facilement disponible, parfois à l'intérieur des grottes même, et qui sur les murs se décline en des nuances assez variées. Est-ce que c'est un résultat du travail du temps? Est-ce que c'est voulu par les peintres des grottes eux-mêmes, lesquels ont sans doute peint sur des objets mobiliers avant de peindre sur les murs, et peut-être sur le corps humain avant de peindre sur des objets mobiliers, mais évidemment nous n'avons pas de traces. Nous avons déjà une idée de la façon dont on fabriquait le jaune, à partir de quel type de plante. Il y a le safran, gaude aussi, c'est un réséda, c'est le jaune, voilà, et le réséda. Là nous sommes dans la teinture. Déformé Aragon, ou Genet, etc. Nous sommes dans la teinture, c'est-à-dire à des dates beaucoup plus récentes. L'homme a peint bien avant de teindre. Nous sommes vers 5-6 millénaires avant notre ère. L'homme a d'abord teint en rouge et en jaune. Un très grand nombre de plantes, d'ailleurs, permettent de teindre en jaune, mais un jaune qui est peu solide, qui entre mal dans les fibres de l'étoffe, mais pas mal de végétaux permettent de teindre en jaune, des végétaux ordinaires comme le genêt, comme l'ortie, la fougère, l'oignon, et puis des végétaux plus rares et plus chers, le safran notamment, hein, ce sont les pistils, les stigmates du pistil qui permettent d'obtenir une très belle teinture jaune, mais il faut énormément de pistil pour un peu de matière colorante, donc dès l'Antiquité c'est une couleur rare et chère, réservée aux étoffes précieuses et du point de vue social aux vêtements des classes les plus favorisées. Il est toujours intéressant de regarder l'étymologie, l'origine des mots, et la couleur jaune a été définie dans l'Antiquité de manière très, très variée. Est-ce que vous voulez bien vous y arrêter un instant ? Oui, alors aussi bien en grec ancien qu'en latin, il n'y a pas vraiment de terme de base pour dire jaune. Xanthos en grec, flavus en latin sont peut-être les plus fréquents, mais alors que blanc et noir en latin ont deux termes de base, rouge un terme de base, vert un terme de base, pour jaune et bleu, c'est beaucoup plus flottant. Pour l'historien, c'est un document. Ça veut dire que la couleur jaune n'a pas encore, du point de vue social et symbolique sans doute, un statut de couleur bien assise comme les quatre autres. Et ça explique aussi pourquoi, quand on a créé les langues romanes, le latin n'avait pas grand-chose à fournir, ni pour les jaunes, ni pour les bleus. Il n'y avait pas de terme de base. Donc c'est un terme germanique qui s'est imposé. Le gelb allemand, qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, a donné tardivement un latin galbus, puis galbinus. Au Bas-Empire, c'est un terme assez péjoratif, ça veut dire vilain jaune en quelque sorte. Mais c'est curieux que ce soit celui-ci qui a donné le français jaune, l'italien giallo et ainsi de suite, peut-être même l'anglais yellow. On en discute, est-ce que c'est la même étymologie ? En tout cas, c'est la même racine indo-européenne. Naturellement, sous le générique, je vous offrirai yellow submarine. Bon, je vous en prie. L'histoire des mots et des étymologies, pour l'historien, c'est un terrain documentaire extrêmement riche, et c'est presque toujours par là qu'il faut commencer, en tout cas, c'est ce que je fais, et donc l'histoire du mot jaune dans les langues occidentales montre que le jaune a un statut peut-être plus solide, plus affirmé chez les peuples germaniques que chez les Grecs et chez les Latins. En soi, c'est un document intéressant. Vous notez dans votre beau livre, que je salue d'ores et déjà, Michel Pastoureau, jaune, histoire d'une couleur. Vous notez que la Bible est assez peu riche de, en général, de couleurs et en particulier du jaune. Oui, la Bible est un texte peu coloré. Il y a énormément de termes de matière dans les différents livres bibliques. J'espère que nous ne chagrinerons personne en disant cela. Non, bien sûr. Mais il y a peu de couleurs, peu de termes de couleurs dans les versions les plus anciennes, araméennes, hébraïques, grecques, presque rien. Le latin, on rajoute un petit peu, les premières traductions, et surtout Saint Jérôme. Et puis les traductions en langue vernaculaire moderne, on rajoute un peu une couche. Mais dans l'ensemble, ça fait pas grand-chose. Et si on relève toutes les occurrences pour l'Ancien et le Nouveau Testament, rouge, blanc et noir occupent 95% de la moisson obtenue. Il n'y a pas de bleu dans la Bible, il y a peu de vert et il y a peu de jaune. En revanche, il y a beaucoup d'or. Alors le problème est de savoir est-ce que ce qui vaut pour l'or vaut pour le jaune ou non. Et c'est un problème que j'ai rencontré tout au long de mon travail sur l'histoire sociale et culturelle du jaune en Europe. Nous allons parler de l'or qui, selon vous, est plutôt une matière, une lumière qu'une couleur. Mais avant, je vais vous faire entendre un beau poème que j'aime beaucoup, un extrait de Anabase de Saint-Jean Perse. Vous savez que c'est le premier de ses œuvres qu'il a signé Saint-Jean Perse, 1924. C'est une lecture de Jean Villard en 1960. Cela donne assez bien à connaître, à sentir ces couleurs-là du côté du Proche-Orient. Nous n'habiterons pas toujours ces terres jaunes, notre délice. L'été, plus vaste que l'Empire, suspend aux tables de l'espace plusieurs étages de climat. La terre, vaste sur son air, roule à plein bord sa braise pâle sous les cendres, couleur de soufre, de miel, couleur de choses immortelles, toute la terre aux herbes s'allumant aux pailles de l'autre hiver, et de l'éponge verte d'un seul arbre, le ciel tire son suc violet. Un lieu de pierres à mica, pas une graine pure dans les barbes du vent, et la lumière comme une huile. De la fissure des paupières au fil des cimes munissant, je sais la pierre tachée d'ouïe. Les essaims du silence aux ruches de lumière, et mon cœur prend souci d'une famille d'acridiens. Chamelle douce sous la tente, cousue de mauves cicatrices, que les collines s'acheminent sous les données du ciel agraire, qu'elles cheminent en silence sur les incandescences pâles de la plaine, et s'agenouillent à la fin dans la fumée des songes, là où les peuples s'abolissent aux poudres mortes de la terre. Les poudres mortes de la terre, ce pourrait être une des définitions les plus négatives du jaune, Michel Pastoureau. Oui, le texte Saint-Jean-de-Perse n'est pas d'une limpidité extraordinaire, mais on sent bien qu'il veut évoquer... C'est son charme. C'est son charme, bien sûr, c'est une des caractéristiques de sa poésie. Une poésie lyrique, drapée. Ah, s'il a le prix Nobel, alors oui. Il a eu le prix Nobel, oui, bien sûr. Tout à fait. Mais on sent bien que ici ce texte évoque le jaune de l'Orient avec son ambiguïté. Il y a le mot soufre et il y a le mot miel. C'est au fond les deux versants de la couleur jaune, douce et bienveillante d'un côté, acide et dangereuse de l'autre. Dans les sociétés anciennes, le jaune a déjà à voir avec l'Orient. Pour les Romains, qui aiment bien le jaune et qui est très présent dans leur vie quotidienne, c'est quand même une couleur qui est plutôt grecque. Et pour les Grecs anciens, le jaune, c'est une couleur du Proche et du Moyen-Orient, avec importation de teintures et de pigments. Donc on a un horizon oriental qui est déjà bien présent, qui va traverser tout le Moyen-Âge et toute l'époque moderne, au XVIIIe siècle, on le verra tout à l'heure, le jaune est associé à l'Asie, déjà. Mais il faut régler son compte à cette grande question des relations entre l'or et le jaune, parce que l'or, très vite, est apparu comme un métal très précieux, et y compris dans les mythes, pense aux Hespérides avec Hercule, à Toison d'or, etc., alors que le jaune n'a pas encore pris vraiment... des couleurs positives, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, dans les récits mythologiques les plus anciens, on parle beaucoup, comme dans la Bible d'ailleurs, de matière, de métaux précieux, peu de couleurs. Et alors, l'or, qui n'est pas présent à l'époque préhistorique dans les tombes ou dans les dépôts votifs à un titre ou à un autre, au néolithique devient davantage présent et prend une place considérable à partir du troisième millénaire avant notre ère. Il est offert aux dieux, il est thésaurisé, il accompagne les défunts pour leur dernier voyage. On a un matériel très abondant. Plus ancienne tombe avec beaucoup d'or se trouve en Bulgarie, à Varna, on est 4 millénaires avant notre ère, quelque chose comme ça. Et quand on étudie des grands récits mythologiques, la présence de l'or est très abondante. Vous connaissez tous naturellement la légende de la conquête de la toison d'or, la toison d'un bélier qui était aurifère, qui appartenait à Mars, et que Jason et les Argonautes sont partis conquérir vers l'Orient, Colchide, un pays de l'Orient lointain pour les Grecs, près de la mer Noire. Et on a la même histoire, une quête de l'or dans le 11e travail d'Héraclès, les pommes d'or du jardin des Hespérides. Alors là, on est à l'extrême occident, c'est le contraire du point de vue géographique, des pommes d'or qu'Héraclès doit rapporter à son cousin Eurysthée. C'est un de ses travaux imposés. Ces pommes appartiennent à Héra, il rencontre toutes sortes de difficultés pour s'en emparer, il parvient à le faire, protégé par la déesse Athéna, il rapporte les pommes d'or à Eurysthée, qui n'en veut pas, Héraclès les offre donc à Athéna, qui prudemment les rapporte au jardin des Hespérides pour ne pas déclencher la colère de Héra, la déesse capricieuse. Et c'est un thème récurrent, on le retrouve là, pareillement dans les légendes germaniques avec l'or du Rhin, cher à Wagner, un trésor précieux qui est au fond du Rhin, qui appartient aux nymphes du Rhin, dont les nains, les Nibelungen, se sont emparés. Siegfried leur a volé, toutes sortes d'histoires s'enchaînent avec la légende de Siegfried, et à la fin, l'or est rendu au Rhin et retrouve une place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Nous voilà Michel Pastoureau conduit au Moyen-Âge, et donc à une réflexion, prendre en considération la manière dont les pères de l'Église, puis surtout les principaux auteurs du Moyen-Âge ont considéré le jaune. Ça n'a pas été immobile, ça a évolué. Ça a évolué beaucoup et c'est au fond au Moyen-Âge que se fait le décrochement le plus important, c'est-à-dire la naissance du mauvais jaune en quelque sorte. Sale temps pour le jaune en fait, le Moyen-Âge. À la fin du Moyen-Âge, oui, toutes les couleurs sont toujours ambivalentes, avec des bons et des mauvais aspects, mais selon les époques et les sociétés, les bons ou les mauvais aspects peuvent l'emporter. Alors, je vous interromps, mais c'est Goethe qui plus tard a écrit ceci. Le jaune est une couleur agréable, douce et joyeuse, mais placée dans l'ombre, elle devient vite déplaisante, et le moindre mélange la rend sale, triste, laide, et de peu d'intérêt. Je ne veux pas décourager nos auditeurs d'écouter la suite de cette émission, mais tout de même. Goethe a tout dit avec cette phrase. C'est le problème du jaune. J'espère que non, parce que sinon, sinon on s'arrête. J'aime beaucoup Goethe. Il est d'usage de se moquer de Goethe aujourd'hui, spécialement de son traité des couleurs. Bien sûr, il part en guerre contre Newton, et pour un physicien, Newton a raison et Goethe a tort. Mais pour les sciences humaines, le traité des couleurs de Goethe, c'est un texte très très important. Et il souligne bien comment le jaune est une belle couleur, gaie, joyeuse, mais un rien suffit à la modifier. Problème de lumière, problème de voisinage. Alors au Moyen-Âge... Dans la littérature chevaleresque, le jaune n'est pas encore mal. Voilà. Les cheveux blonds. Au XIIe, XIIIe siècle, le jaune est plutôt valorisé. Les cheveux longs, blonds sont les beaux cheveux. Il l'était déjà d'ailleurs pour les matrones romaines de la fin de l'Empire. Elles se teignaient ou portaient des perruques pour éclaircir leur chevelure. Il y avait d'ailleurs, on peut le dire, des toches jaunes, les matrones, et c'était une couleur féminine à Rome. Oui, dans la Rome républicaine puis impériale, le jaune est plutôt féminin du point de vue vestimentaire. Les femmes de la bonne société portent des stolae, des robes jaunes. Et quand les pamphlets veulent désigner les efféminés, on les habillé en jaune. Voilà, les délicati, il y a une histoire célèbre, un grand ennemi de Cicéron, Claudius, a été surpris habillé en femme, vêtu de jaune, ça fait un scandale qui est très bien documenté, c'est une grosse affaire. Alors, nos chevaliers, parce que les grosses affaires, je suis obligé de vous faire passer vite. Alors, à l'époque féodale, donc au XIIe et XIIIe siècle, dans les romans de chevalerie, le jaune est plutôt valorisé, il y a tout un code des couleurs, et un chevalier jaune, c'est-à-dire habillé entièrement de jaune, avec des armoiries jaunes, bannières jaunes, etc., c'est un personnage de haut rang, et en général un personnage âgé. Donc le jaune n'est pas encore une couleur péjorative. Il va le devenir à la fin du XIIIe siècle et surtout au XIVe et XVe siècle. Les bons aspects de la couleur vont se faire discrets. C'est au fond comme si l'or prenait sur lui tous les bons aspects du jaune et ne laissait au jaune stricto sensu que les mauvais aspects de la couleur. Et alors on va voir progressivement un certain nombre de vices se greffer sur la couleur jaune. Oui, vous en donnez une liste vraiment impressionnante. La lâcheté, la fourberie, le déshonneur et même la trahison. La trahison, c'est le cas le plus fréquent. L'envie aussi, l'avarice parfois, la jalousie, ça fait beaucoup. Mais c'est surtout la trahison, c'est la couleur des traîtres. Ça va devenir, dans les romans de chevalerie tardif, la couleur des chevaliers félons. Et dans l'iconographie, la couleur de Judas, l'apôtre félon, le traître par excellence, qui est doté fréquemment, pas toujours, mais fréquemment, d'une robe jaune et d'une chevelure rousse, deux colorations qui deviennent très dépréciatives. Alors là, on est peut-être à l'origine du plus sinistre de notre époque, je veux dire l'étoile jaune. Oui, on peut trouver des racines de l'étoile jaune du XXe siècle dans certaines pratiques de la fin du Moyen-Âge, dans certaines villes, dans certaines régions. Les autorités imposent aux communautés juives le port d'un signe vestimentaire spécifique pour qu'ils se distinguent des chrétiens. Alors, les systèmes sont variés, la forme du signe, la couleur du signe imposé est bien visible sur le vêtement varie, mais... Est-ce que la rouelle de Saint-Louis, qui était comme un des premiers à décider de stigmatiser de la sorte les Juifs, est-ce qu'elle était jaune ? Oui, c'est un des cas les plus anciens. La rouelle, Saint-Louis, à la fin de son règne, a pris une décision. Les Juifs du royaume doivent porter une rouelle de la taille, diamètre de la taille d'une main à peu près, et de couleur jaune, bien visible, et ça va continuer, surtout en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Espagne, pas partout, mais dans beaucoup de villes, surtout en milieu urbain, donc. La forme la plus fréquente n'est pas l'étoile encore, c'est vraiment le cercle, la rouelle, et même s'il y a des couleurs variées, rouge, blanc et rouge, c'est quand même le jaune qui est dominant. Le problème est de savoir, est-ce que c'est une pratique vestimentaire des Juifs eux-mêmes qui portaient plus de jaune que les chrétiens qui a été retenue, ou est-ce que c'est déjà l'idée d'un jaune négatif, infamant, discriminatoire, qui leur est imposé ? Les documents ne sont pas très clairs. Mais en tout cas, on peut voir là l'ancêtre de l'étoile jaune. Les nazis, d'ailleurs, ont souvent peint en jaune les maisons des Juifs. Oui, c'est une pratique qui remonte assez haut, pas seulement pour les Juifs, mais pour les traîtres. On a beaucoup d'exemples. Le connétable de Bourbon, à l'époque de François Ier, l'amiral de Coligny, lors des massacres de la Sainte-Barthélemy. Grand protestant. Protestants, prétendus traîtres au royaume, ont vu leur autel peint en jaune après leur mort. Les Juifs, à différentes époques, ont vu les portes et les fenêtres de leur maison peints en jaune, couleur infamante, et les nazis ont repris cette pratique à assez grande échelle, pratique assez douloureuse. J'étais l'autre jour à Malaga pour la remise du prix François Mauriac, et la ville, la sous-préfecture voisine, c'est Langon. Nous avons constaté que pendant la nuit, elle avait été vandalisée et couverte de peinture jaune. Mais je ne pense pas que ceux qui l'ont fait se soient placés dans cette continuité. Enfin, en tout cas, je l'espère. Mais pour rester sur l'étoile jaune qui est de l'occupation, le maximum de l'infamie, je vous propose un texte. Je vous préviens, c'est assez glaçant. C'est une interview de Charles Laville, qui est responsable de la section scientifique, je cite, de l'Institut d'études des questions juives à propos du port de l'étoile jaune. Nous sommes le 29 mai 1942. Je me trouve à nouveau dans la librairie de l'Institut d'études des questions juives, où je trouve M. Laville, qui, à l'Institut, est un spécialiste des questions raciales. Et puisque l'étoile, le port de l'étoile jaune est à l'ordre du jour, je suis venu demander à M. Laville en quoi cette mesure se justifie. Monsieur, les Juifs, évidemment, se lamentent, et ce qui est plus grave, beaucoup de Français à rien se lamentent pour le compte des Juifs et ont pitié d'eux et de la mesure nouvelle qu'on prend. Est-ce qu'il s'agit d'une mesure vexatoire ou au contraire d'une mesure qui vous paraissait s'imposer ? Oh, mais il ne s'agit pas le moins du monde d'une mesure vexatoire ou délibérément vexatoire. C'est une simple mesure de défense des Français contre des étrangers à leur race qui ont envahi silencieusement notre sol, mais d'une façon fort tenace. Ils sont venus surtout pour profiter et très peu pour travailler réellement. Or, le mal vient de ce que les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs. S'ils le savaient, ils se tiendraient sur leur garde. C'est ce qui n'arrive pas. Il y en a qui le portent sur leur figure, mais enfin pas tous. Oh, peut-être 50%, mais oui. Les 50 autres pourcents sont très peu distinguables. Donc, la question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue. Mais ce n'est pas le cas. Il faut donc qu'on puisse les reconnaître. Eh bien, on leur impose l'étoile de Sion. Ce n'est pas une très grave mesure, croyez-le bien. Les Juifs eux-mêmes arborent à chaque instant cette étoile de Sion sur leurs papiers à lettres, sur leurs boutiques, sur leurs publications diverses. Et mon Dieu, ils en sont très fiers. C'est en quelque sorte leur drapeau. Nous ne demandons qu'une chose, c'est qu'ils ne gardent plus leur drapeau dans leur poche. Il faut donc que les Français comprennent qu'ils n'ont pas à avoir cette espèce de sensiblerie dangereuse en l'espèce, mais qu'au contraire, c'est pour eux, c'est dans leur intérêt que cette mesure est prise. Mais naturellement, supposez que demain, 1 million de peaux rouges soient répandues sur notre sol. Le public se dirait, mais tout de même, il y a un danger pour notre race ou notre ethnie française. n'est-ce pas? Mais le juif ayant la peau tout à fait semblable à la nôtre, les gens n'ont pas aperçu le danger qui est réel. Eh bien, j'espère que maintenant ils auront compris. Je m'abstiendrai de commenter cette archive, si vous le voulez bien, Michel Pastoureau. Revenons au Moyen-Âge. Oui, cette archive est terrifiante, quand même. Alors, à la fin du Moyen-Âge, donc, il y a une dévalorisation de la couleur jaune qui est assez forte, peut-être parce que, comme je l'ai dit, l'or a pris sur lui tous les bons aspects de la couleur jaune, et dans le jaune stricto sensu, on voit des humeurs négative, l'urine, la bile, on est dans une période où on fait beaucoup de correspondances, où la médecine insiste sur les couleurs du corps, et alors le jaune est associé évidemment à des choses pas très réjouissantes. Ça peut expliquer ce discrédit de la couleur jaune. Quand même pas des pistes très très solides. En tout cas, l'affaire est entendue. Au début de l'époque moderne, le mauvais jaune l'emporte sur le bon jaune, même si celui ne disparaissait pas pour autant. Hein. C'est quand même la couleur de la lumière, de la chaleur, d'une certaine prospérité, et une couleur réputée assez gaie tant qu'elle n'est pas ternie par des salissures ou par des lumières affaiblies. Alors ça conduit vers la question du soleil. Est-ce que le soleil est jaune? Notre auditoire est très très curieux de savoir quelle sera votre réponse. Je le sens. Pour nous, sur Terre, nous voyons le soleil jaune, et les anciens voyaient le soleil jaune, mais pour les savants, et déjà les savants de la Renaissance et du XVIIe siècle, la lumière du soleil est blanche, hein, et ce sont des phénomènes de réfraction, de traversée de corps plus ou moins denses et opaques, qui font que certains rayons colorés de la lumière blanche sont retenus, et d'autres non, donc nous voyons, notamment le bleu et le violet, nous voyons le soleil chaud et jaune, rose, rouge parfois quand il est à son déclin. C'était aussi le cas des Aztèques, et c'était même le cas des Incas. Je me rappelle bien, comme vous tous, le temple du soleil, Tintin, le soleil était jaune. Voilà, il y a la fameuse éclipse. Celui qui est offusqué par l'éclipse. Voilà, c'est ça. Dans les sociétés anciennes, les cultes rendus au soleil sont très très nombreux. Il y a des dieux du soleil un peu partout. Nous n'en avons pas parlé, mais on ne peut pas tout dire. En tout cas, à partir donc de l'époque moderne, les savants commencent à se préoccuper du classement des couleurs, distinguer des couleurs premières et des couleurs secondes. Nous disons aujourd'hui primaires et complémentaires. Ça occupe tout le XVIIe siècle. Et les peintres, d'ailleurs, sont associés aux savants pour cette réflexion. Hein. Chez Rubens, par exemple, à Anvers, dans l'atelier de Rubens, il y a, au début du XVIIe siècle, 200 ou 300 personnes qui travaillent. Il y a le maître, il y a ses assistants, il y a d'autres grands peintres, il y a des jésuites savants en tout domaine, il y a des apprentis, il y a des graveurs, il y a des teinturiers. On réfléchit beaucoup sur la couleur, on va le faire tout au long du XVIIe siècle, et on va commencer à distinguer ce que les peintres appellent en général les couleurs de base, c'est-à-dire celles dont le mélange permet d'obtenir toutes les autres par une sorte de généalogie, nos couleurs primaires. Et il en ressort vers le milieu du siècle que noir et blanc ont un statut un peu particulier, pas des non-couleurs mais des couleurs particulières, et que les trois couleurs de base sont le rouge, le bleu et le jaune, il est dans le bon groupe. Et quand Newton arrive en 1666 et qu'il découvre le spectre, c'est-à-dire un nouvel ordre scientifique pour classer les couleurs, il n'y a plus de place ni pour le blanc ni pour le noir dans ce nouvel ordre des couleurs, ce ne sont plus des couleurs. Qu'est-ce que nous apprenions à l'école? Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est un nouvel ordre des couleurs. C'est un système mnémotechnique. Qui restait jusqu'à aujourd'hui l'ordre de base, au moins pour la physique et la chimie, un ordre complètement différent de celui d'Aristote, qui avait cours jusqu'à la fin du XVIIe siècle, ce qui pose beaucoup de problèmes à l'historien, à l'archéologue. Ah oui, je vois que vous avez quelques distances comme historien, Michel Pastoureau, par rapport aux analyses des scientifiques, des sciences dites dures, quant aux couleurs. Oui, c'est un problème général. L'historien pratique le relativisme culturel et sait bien que nos savoirs d'aujourd'hui, quels qu'ils soient, ne sont pas des vérités, ce sont des étapes dans l'histoire des savoirs. Et ce que les plus grands physiciens et les plus grands chimistes pensent aujourd'hui en matière de couleurs, ça fera sourire les grands physiciens et les grands chimistes dans 5 ou 10 siècles. Donc c'est pareil dans le passé, ne nous moquons pas de nos prédécesseurs qui avaient d'autres idées, d'autres classements, d'autres d'autres définitions de la couleur. Et alors, dans les laboratoires des musées, par exemple, ça pose beaucoup de problèmes parce que on étudie des tableaux anciens avec des appareils de mesure spectrométriques, donc construits sur le spectre, et puis on commente les résultats obtenus avec la langue, avec le vocabulaire des couleurs, qui lui est construit non pas sur le classement du spectre newtonien, mais sur le classement d'Aristote, c'est un tout autre classement. Donc il y a une espèce d'écart dont personne n'a l'air de prendre conscience. Si, si, vous et nous, on, désormais. Voilà. Voilà. Il y a là un vrai problème épistémologique. Alors, je voudrais que nous essayions de comprendre avec vous pourquoi cette couleur, en dépit de ses exceptions, est si mal aimée. Est-ce que c'est parce que elle est supposée faire un teint blafard, ceux qui l'emploient? Est-ce que, et vous mettez l'accent sur un aspect important, c'est l'émergence du protestantisme, pour qui les couleurs sont le gris, le noir, le blanc, une certaine austérité huguenote qui s'accommode mal du jaune. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. C'est une étape importante dans l'histoire des couleurs en Europe, la réforme protestante, parce que les grands réformateurs moralisent les couleurs. Et pour un bon chrétien, il y a des couleurs honnêtes, blanc, noir, gris, brun, bleu. Et des couleurs déshonnêtes, comme dit Zwingli, les couleurs qui sont trop voyantes, le rouge, le vert et le jaune. Et c'est valable pour toutes sortes de domaines, mais notamment la vie quotidienne et surtout le vêtement. Donc en terre protestante, à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, le jaune est en grand recul dans la culture matérielle. Et ce qui est frappant, c'est que la contre-réforme catholique, qui sur beaucoup de points s'oppose à la réforme protestante, sur celui-ci reprend une partie des valeurs protestantes. Il y a l'idée que en matière de vêtements, il ne faut pas se faire remarquer. Au paradis terrestre, Adam et Ève étaient nus, ils ont fauté, ils ont été chassés du paradis. À la sortie, on leur a remis un vêtement. Donc tout vêtement rappelle le péché originel. Et donc se faire beau par le vêtement, aussi bien pour les protestants que pour les catholiques, c'est quand même quelque chose d'indécent, voire de scandaleux. Donc pas de couleur trop vive. Et de fait, depuis le XVIe siècle, au moins pour le vêtement masculin, plus personne, ou rarement, un homme s'habille en jaune, alors qu'au Moyen-Âge, c'est extrêmement fréquent. Si un homme entrait en jaune dans cette pièce, on lui jetterait pas la pierre, mais ça ferait un écart par rapport à nos habitudes. Je crois que vous avez raison sur ce point. Naturellement, Michel Pastoureau, comme toujours, vous avez cherché votre provende dans les dictionnaires du temps, c'est toujours révélateur. Et la liste des expressions que vous donnez sont à peu près... qui concernent le jaune, sont à peu près toutes négatives. Je les cite, une toile jaune, c'est une grosse toile de ménage, plus ou moins beige, et finalement assez fruste. Être jaune comme un coin, j'ai pas besoin de le dire, que c'est avoir la jaunisse, être malade, faire des contes jaunes, raconter des choses invraisemblables, faire voir à quelqu'un son bec jaune, c'est lui faire comprendre qu'il s'est trompé, ou bien qu'il est novice et dit des bêtises. Je ne fais jamais voir à mes invités leur bec jaune. Oui, ce sont des expressions qu'on rencontre dans les dictionnaires, les encyclopédies des XVIIe et XVIIIe siècles, qui sont aussi des documents importants pour l'histoire des couleurs. J'y mets fréquemment mon nez avec jubilation, notamment dans le dictionnaire de Furtière, qui nous s'intéresse aux mots, mais aussi aux choses. Deuxième moitié du XVIIe siècle. Voilà, 1690, un peu avant le dictionnaire, le première édition du dictionnaire de l'Académie, 4 ans avant, et puis les dictionnaires du XVIIIe siècle, dont l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ça nous apprend beaucoup de choses. Ça permet aussi de voir quelle est la proportion consacrée à chacune des couleurs. On voit que le jaune est réduit à la portion congrue par rapport au rouge et au bleu. C'est d'ailleurs la même chose dans les manuels et traités des XVIIe et XVIIIe siècles destinés aux peintres ou aux teinturiers. Où se situe le chapitre des jaunes? Jamais en tête. Combien de pages ou de paragraphes on lui consacre? En général, très peu par rapport au bleu et au rouge. Ce sont des documents pour l'historien. Et le jaune, qui est moins présent dans la vie quotidienne, qui est peu flatteur sur le plan symbolique, dans le discours, est réduit à une portion qui n'est pas absente, mais qui est petite. Il y a un domaine où il paraît avoir pris sa revanche, c'est l'orientalisme. Voilà. Il faut que nous en parlions, c'est important. Et avant d'en parler, je vous propose cet extrait d'un entretien avec un éminent sinologue, Cyril Javary, à propos de la symbolique de la couleur jaune en Chine. C'est un extrait des Matinées de France Culture, le 13 décembre 1991. Écoutons-le. En chinois, jaune se dit huang et s'écrit en combinant deux caractères, dont l'un signifie lumière, lumineux, et l'autre signifie les champs cultivés. Donc, ce avec quoi on écrit l'idée de jaune dans l'idéographie chinoise, c'est en le nommant comme la couleur des champs de cette terre chinoise qui est formée de leus, c'est-à-dire d'argile, et qui, quand elle est gorgée d'eau, et qu'elle devient si fertile, et qu'elle miroite sous le soleil, prend cette couleur ocrée, si caractéristique de la Chine du Nord. Il est notable que la couleur jaune, dans l'écriture chinoise, il n'y ait fait aucune référence, ni à l'or, ni au soleil. L'or n'est pas très valorisé dans la pensée chinoise. Le bronze, oui. L'expression métal jaune, huangjing, a signifié bronze pendant très longtemps. Et ce n'est qu'à l'époque moderne qu'il a pris le sens d'or. Quant au soleil, il est rarement vu dans sa couleur jaune. Il est soit blanc, soit rouge. Il est rouge quand il se lève, il est blanc quand il se couche. Pendant la révolution culturelle, on a chanté Mao Zedong sur tous les tons, comme étant le grand soleil rouge se levant à l'est. Ça, c'est un extrait du Petit Livre Rouge. J'ai choisi cet extrait parce qu'il me paraît illustrer votre propos, Michel Pastoureau, sur le relativisme du regard sur les choses, et parfois sur les gens, et en particulier le fait que le soleil là-bas ne soit pas jaune. Bien sûr, oui, les problèmes de la couleur sont culturels, étroitement culturels. On ne peut pas généraliser à l'échelle de la planète entière. En Asie, par exemple, le deuil se porte en blanc, le soleil n'est pas jaune. On pourrait trouver toutes sortes d'écarts avec croyances ou pratiques occidentales. Alors, au XVIIIe siècle, l'Orient est à la mode à partir des années 1720-30 jusqu'aux années 80 à peu près, et spécialement la Chine. On s'intéresse aux récits des missionnaires jésuites qui sont partis en Chine, qui notent d'ailleurs pas mal de choses consacrées aux couleurs, et notamment combien le jaune est beaucoup plus présent dans la vie quotidienne chinoise qu'en Europe, comment c'est une couleur très appréciée. Mais alors comment est-ce qu'on en arrive à l'idée que les Chinois sont jaunes, les Japonais aussi, évident, l'apparition à la fois de cette coloration que j'avais encore moi dans mes manuels quand j'étais enfant, on voyait encore les quatre races, il y avait la race noire, la race blanche, la race jaune. Et la race noire. Ça vient d'assez loin, la description colorée de la couleur de la peau. Hein. Dans toute société, la première et grande fonction de la couleur, c'est de classer, hein, un peu comme en bureautique, nos dossiers et nos sous-dossiers. Toutes les sociétés classent par la couleur, donc on a classé les espèces humaines. Ça date de quand, cette expression, la race jaune? Alors, ça date du tournant 18e, 19e siècle. C'est assez récent. Les textes, d'abord, sont en latin et parlent de varietates, de variété, pas de race, en quelque sorte. Et on commence à en distinguer cinq très nettement à la fin du 18e siècle. Blanc, rouge, noir, jaune et brun pour la race malaise. Mais donc l'Asie, c'est le jaune, et race jaune apparaît au 19e siècle à peu près dans de presque tous les dictionnaires et de nombreux domaines. C'est l'Asie. Le racisme commence quand on hiérarchise ces différentes races. Il y a une période où c'est purement notatif, avec des explications en général climatiques. C'est le rapport à la chaleur et à la sécheresse qui explique les différences de couleur de peau. C'est l'idée des Grecs, des Romains, des gens du Moyen-Âge. C'est encore l'idée de Montesquieu. Ça change. Il y a le péril jaune qui apparaît avec beaucoup de force. Alors voilà, alors au 19e siècle, l'idée d'un danger asiatique et notamment d'un danger qui verrait se réunir la Chine et le Japon dans la seconde moitié du 19e siècle prend le nom de péril jaune. C'est une formule qui a vraiment fait florès pendant plusieurs décennies. Ah oui, tout à fait, jusqu'à des dates avancées, et le mot jaune devient très très ambigu pour désigner les Asiatiques. Aujourd'hui, il est en recul, bien sûr, mais l'Asie est encore associée à la couleur jaune sur le drapeau olympique, par exemple, qui est créé en 1912, mais qui flotte au vent depuis 1920 aux Jeux Olympiques d'Anvers. Ça a été accepté volontiers par ces pays ? C'est une création occidentale par des vieux messieurs installés à Paris puis à Lausanne. Le noir pour l'Afrique, le rouge pour l'Amérique, le bleu pour l'Europe. Il restait pour l'Australie, quoi? Pour l'Océanie, le vert. C'est la couleur par soustraction, celle qui restait. Mais l'Océanie l'a accepté, alors que les Asiatiques, souvent, ne comprennent pas pourquoi les Européens les associent à la couleur jaune et leur reconnaissent une peau jaune. Pour eux, ils n'ont pas la peau jaune. Et nous, on n'a pas la peau blanche, on a la peau, même pas rose, mais grise pour beaucoup de peuples de l'Orient et de l'Extrême-Orient, et nous ressemblons à des cadavres. Donc, c'est très désobligeant, permettez-moi de vous le dire, pour le très affectueux public qui est devant nous aujourd'hui à Blois. Alors, tout ça est très très culturel, très intéressant évidemment pour l'historien et pour l'anthropologue, mais aussi extrêmement dangereux par rapport à l'usage que l'on en a fait et au discours qu'on a tenu à partir des années 1820. Le racisme quand même s'appuie beaucoup sur la couleur de la peau et sur des hiérarchies entre les différentes races. Mot devient omniprésent au 19e siècle. Et c'est de là qu'on en revient à ce discrédit du jaune en Occident qui dure en fait pratiquement tout le 20e siècle et le 19e déjà. Le passeport jaune, c'était un document qui était le fait des bagnards. Voilà, c'est un passeport remis aux anciens bagnards quand ils quittent le bagne et qui leur donne une vie un peu handicapée puisqu'ils ne peuvent, ils peuvent difficilement trouver du travail. Quand ils en trouvent, ils sont payés demi-salaire. Donc vous avez compris que c'était une transition savante vers un extrait des Misérables lorsque Jean Valjean arrive chez Monseigneur Myriel avec son passeport jaune. C'est George Wilson qui joue Jean Valjean et Henri Roland, Monseigneur Myriel, dans une émission de France 3 Nationale le 5 mars 1962. Écoutons Victor Hugo et Jean Valjean. Un homme entra, fit un pas et s'arrêta, laissant la porte ouverte derrière lui. Il avait son sac sur l'épaule, son bâton à la main, une expression rude, hardie, fatiguée et violente dans les yeux. Le feu de la cheminée l'éclairait, il était hideux. C'était une sinistre apparition. L'évêque fixait sur l'homme un œil tranquille. Voici. Je m'appelle Jean Valjean. Je suis un galérien. J'ai passé 19 ans au bagne. Je suis libéré depuis 4 jours. En route pour Pontarlier, qui est ma destination. 4 jours que je marche. Depuis Toulon. Aujourd'hui, j'ai fait 12 lieues à pied. Ce soir, en arrivant dans ce pays, j'ai été dans une auberge. On m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Il avait fallu. J'ai été à une autre auberge. On m'a dit, va-t'en. Chez l'un, chez l'autre. Personne n'a voulu de moi. J'allais me coucher sur une pierre. Une bonne femme m'a montré votre maison et m'a dit « Frappe-la ». J'ai frappé. Qu'est-ce que c'est ici? Une auberge? Je suis très fatigué. 12 lieues à pied. J'ai bien faim. Voulez-vous que je reste? Madame Magloire, vous mettrez un couvert de plus. Avez-vous entendu? Je suis un galérien, un forçat. Je viens des galères. Voilà mon passeport. Jaune, comme vous voyez. Cela sert à me faire chasser de partout où je suis. Voulez-vous lire? Tenez, voilà ce qu'on a mis sur le passeport. Jean Valjean, forçat libéré, natif de... Tout ça vous est égal. Est resté 19 ans au bagne. 5 ans pour vol avec effraction. 14 ans pour avoir tenté de s'évader 4 fois. Cet homme est très dangereux. Voilà. Là, on est, Michel Pastoureau, à l'extrême du négatif. Ce jaune devient très ambivalent, vous le montrez dans votre ouvrage, au 19e siècle. Restons un instant sur le côté négatif. Oui, alors ça reste la couleur de la tromperie en général. C'est ça qui est fascinant pour l'historien, le jaune. Au XIXe siècle, c'est à la fois la couleur des trompeurs et des trompés. Ça reste celle du mensonge, de la trahison, mais ça reste aussi la couleur des maris cocus, au théâtre notamment, et dans une littérature. Lâchons le mot, vous permettez une anecdote? Je vous en prie. Dans l'entre-deux-guerres, il était l'usage que les professeurs de la Sorbonne défilent rue Soufflot et devant la Sorbonne en toge. Les rouges pour les juristes, le violet pour d'autres, et pour les littéraires, c'est ma corporation, en jaune, un beau jaune safran. Et un jour, il y avait un titi qui était là et qui s'est écrié « Tiens, v'là les cocus !» On les voit. Et le doyen s'est penché vers cet enfant et lui a dit « Je nomme juste une petite délégation. » Voilà, ce qui est un beau dossier, c'est qu'on est sur les deux versants de la tromperie, les trompeurs et les trompés. Ça souligne combien les couleurs, du point de vue de leur signification, ont des champs d'intervention et couvrent tout ce champ. La tromperie, c'est jaune, qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Puis il y a les syndicats jaunes, il faut s'arrêter un instant sur les syndicats jaunes. Voilà, qui émergent à l'extrême fin du 19e siècle, en liaison avec les grandes grèves du Creusot, et s'opposent aux syndicats rouges, socialistes puis communistes. Ce sont des syndicats... Vus comme traîtres par les rouges, qui ils roulent pour le patronat, au fond, ils prétendent défendre les ouvriers, mais... J'avais lu quelque part que ça s'expliquait parce que dans les auberges où ils se réunissaient, pour se cacher, ils mettaient des sortes de mica jaune sur les fenêtres. On les voit pas, oui. C'est jaune contre rouge, et c'est évidemment une couleur qui est mal vue. Ces syndicats sont des syndicats traîtres, même s'ils se prétendent prolétaires de droite, défendant une partie de la classe ouvrière. C'est resté très très négatif dans le monde ouvrier, comme dans le monde politique, que la couleur jaune jusqu'à des dates avancées du XXe siècle. Alors, sous l'effet de deux autres énergies, heureusement, le jaune n'est pas entièrement perdu. Je pense d'un côté à la peinture et de l'autre au sport. Voilà, il y a deux agents de promotion de la couleur jaune dans la seconde moitié du 19e siècle et la première du 20e. D'abord les peintres de plein air, hein, quand on invente le tube de peinture qui permet d'emporter la couleur sur le terrain, plus que le tube d'ailleurs, le bouchon à vis qui permet de fermer le tube. Ça c'est la moitié du 19e à peu voilà, près. Voilà, le tube 1840, le bouchon 1850, il y a un léger décalage. Et donc les impressionnistes, les post-impressionnistes ont mis plus de jaune que précédemment. Il y avait très peu de jaune dans la peinture occidentale depuis la Renaissance. Donc la peinture de plein air bénéficie au jaune. Et puis ensuite, la peinture franchement moderne, Van Gogh et Gauguin sont deux immenses peintres des jaunes. Vous avez entendu une petite citation de Van Gogh au cœur de notre générique, nous appelons ça la pastille. Oui. Et ensuite, les nabis et surtout les fauves qui pratiquent une hypercoloration, une fièvre coloriste, comme ils disent. C'est très très favorable au jaune et à l'orangé, puis tout l'art moderne qui va suivre. Vous me permettez de citer Kandinsky, qui écrit ceci. Lui, c'est un ennemi du jaune. Ah, il écrit « Le jaune vif blesse les yeux, l'œil ne peut le soutenir. On dirait une oreille déchirée, je ne sais pas si c'est l'oreille de Van Gogh, une oreille déchirée par le son aigre d'une trompette. Il énerve, pique, excite. Le jaune tourmente l'homme, il s'impose à lui comme une contrainte, l'importune avec une sorte de brutalité insupportable. » Je voulais mettre un bémol à votre gratitude exprimée au peintre sauvant le jaune. Oui, Kandinsky est un grand ennemi et du jaune et du vert. Il compare le vert à une grosse vache qui ne pense rien, qui ne fait rien. C'est dans Du spirituel dans l'art, 1912 ou 1913, je ne sais plus. Alors, les autres agents de promotion de la couleur jaune à cette époque, ce sont les sportifs. Sur les terrains de sport modernes, on voit apparaître du jaune, du vert, assez abondamment. C'est encore le cas aujourd'hui, bien sûr. Le maillot jaune, c'est positif. Le carton jaune, c'est moins... C'est semi-négatif. Alors, le maillot jaune... On voit que vous n'avez pas subi un carton jaune. Mais le rouge devient... C'est le superlatif du jaune. Oui. Donc, d'abord, carton jaune, c'est un avertissement, et rouge, c'est l'expulsion. Le maillot jaune, ça date 1919, si je vous ai bien lu. Le fameux Christophe, qui avait réparé la fourche lui-même de sa bicyclette en 1919, a été le premier à porter dans les Pyrénées. Merci de cette précision géographique. C'est lui qui a porté le premier maillot jaune. C'est une idée de Godet, le propriétaire de l'auto, qui était imprimé sur un papier jaune, c'est ça? C'est ça, pas de Godet, mais de son ancêtre Desgranges. Oh, pardon. Je voulais vous donner l'occasion de briller. Le journal, merci. Le journal Loto était imprimé sur un papier jaunasse et était l'organisateur du Tour de France. Donc le directeur a eu l'idée, en plein Tour de France, au cours d'une étape Grenoble-Genève, si je me souviens bien, d'habiller le premier du classement général d'un maillot distinctif. C'était un coup de génie parce que ça a beaucoup fait pour la popularité du Tour de France. Et l'expression « maillot jaune » est sorti du monde du cyclisme et du sport pour être employé dans de tout autres domaines. Aujourd'hui, on est maillot jaune dans la pétrochimie quand elle firme devance les autres. Et même en Italie, ai-je lu, alors que je salue l'Italie puisque c'est le thème de notre, oui, de nos rendez-vous cette année, où le maillot est rose, si j'ai bien le premier du classement général au Giro d'Italie. Et pourtant, l'expression maillot jaune est entrée dans existe, la langue. Oui, et elle est employée dans les milieux bancaires, économiques. Donc, c'est très important. Alors, en politique, parce qu'il faut terminer comme ça. Il faut que nous terminions comme nous avons commencé. Ces gilets jaunes, on voit bien que l'origine est un peu, peut-être, anecdotique. J'irais pas. L'idée de prendre ce vêtement qui servait. Oui, c'est une affaire automobile au début, donc on prend quelque chose qui est dans l'automobile et c'est un gilet qui est de couleur jaune. Il y en a qui sont de couleur orangée, mais les plus nombreux sont jaunes. Jaune qui était une couleur délaissée en politique depuis deux siècles parce que trop péjorative, mais le choix des disponibilités est très restreint puisque les nuances ne comptent pas dans l'emblématique politique. Et le choix donc est restreint, le rouge, le bleu, le blanc, le noir, le vert étant déjà pris. Quand on crée un mouvement nouveau, que faire? Il faut bien puiser dans les couleurs qui n'ont jamais été prises, soit les demi-couleurs, violet, orangé, gris et brun, c'est un peu dangereux. Donc il y avait le jaune qui était évité un peu partout en Europe, mais qui était disponible. Alors la question que je me pose à la fin de mon livre, est-ce que ça va donner un avenir politique et autre à la couleur jaune ou est-ce que ça sera sans lendemain? Je ne sais pas. Il faut dire que votre livre, on peut en faire la confidence, était pratiquement achevé lorsque cet événement a surgi. Oui, j'étais dans le cas de, c'est très intéressant, de l'historien rattrapé par l'histoire. Je finissais mon livre, j'étais presque à la dernière ligne quand on s'est mis à parler des gilets jaunes. Que faire? Ben venir à mon émission puisque c'était une bonne occasion. Voilà, de vous inviter. J'ai écrit quelques lignes, mais je ne pouvais pas faire plus. Il n'y a pas un chapitre, il faut reconnaître, vous qui vous précipiterez sur cet ouvrage, vous aurez à le constater. Transition vers notre bibliographie. Donc, je rappelle le titre de l'ouvrage, « Jaune, histoire d'une couleur », paru aux éditions du Seuil, qui savent toujours faire de vos livres un très bel objet. Oui, j'ai la chance de disposer d'une équipe et d'amis qui m'aident à construire l'iconographie et qui font de ces livres autour de l'histoire d'une couleur de très beaux livres, très séduisants. Vous avez successivement fait des ouvrages, chacun choisira à son gré parmi vous. Le bleu, ça remonte à 2000, et puis depuis vous avez décliné le noir, le vert, le rouge. Et je voudrais également rendre hommage à un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Une couleur ne vient jamais seule ». Vous avez eu l'idée de nous proposer un journal chromatique il y a deux ans. Toujours aux éditions du Seuil, 2012 à 2016, vous vous promenez, vous lisez, vous rencontrez les gens et tout ce qui est couleur est pour votre plume une occasion de nous commenter les choses, voilà, et de stimuler notre imagination. L'occasion d'observation et de notation en historien et en citoyen. Eh bien, je trouve que c'est un assez bon mot de la fin. Je rappelle à nos auditeurs et pas seulement ceux à qui je sais gré de s'être réunis ce matin devant moi dans la bibliothèque Abbé Grégoire de Blois. Je vous rappelle à tous que vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site avec des références, des documents sonores très variés que nous avons donné à entendre et vous pourrez bien sûr écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, vous parliez, Michel Pastoureau, nous parlions de Vermeer. Il y a un génial faussaire qui s'appelle Van Meegeren, qui a réussi pendant longtemps à faire croire que ce qu'il peignait, c'était des vrais Vermeer. Eh bien, j'ai décidé de consacrer mon émission la semaine prochaine au thème des faux et des faussaires. Et je recevrai pour en parler Charlotte Guichard. Je précise aussi par confraternité d'antenne que la semaine prochaine, dans le cours de l'histoire, Xavier Mauduit parlera de la révolution dans son siècle, et s'interrogera dès lundi sur la question suivante, les Lumières sont-elles à l'origine de la Révolution? In the town where I was born, lived a man who sent to sleep. Je cégerai à vos applaudissements, mais laissez-moi tout de même vous rappeler que vous venez d'écouter Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Domiti de Gavrilov et Claire Poinsignon, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec la prise de son Marcos Darras, Fabien Gosset, Mathieu Leroy, Jean-François Georges, merci à tous, à la discothèque Nathalie Rouvillain et Gwen Michel pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Dans quelques instants, vous le savez, vous pourrez écouter l'émission de Christine Ockrent, Affaires étrangères.